Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode de C'est quoi le pitch, votre podcast de critique de cinéma vu par des scénaristes. Je sais ce que vous vous dites, vous fidèles auditeurs qui n'avez jamais loupé un seul de nos brillants épisodes, vous vous dites que depuis notre dernier podcast, quelque chose a changé. Et vous avez raison, vous l'avez remarqué, nous vivons désormais à crédit de nos ressources naturelles terrestres. Et ce jour de dépassement arrivant 4 mois plus tôt que dans les années 70, autant vous dire que la fin du monde est proche et que Tom Cruise ne sera pas toujours là pour nous sauver les miches. Alors allons-nous rester là, les bras croisés pendant que notre chère planète Terre se meurt ? Eh bien non. Non, nous allons agir, en nous enfermant dans des salles obscures avec la clim à fond les ballons. Non, ne nous remercie pas planète, tout le plaisir est pour nous. Au programme donc de cette journée d'août caniculaire, un réveil survitaminé avec Mission Impossible Fallout, suivi d'une tasse de thé bien british en compagnie de My Lady, avant de se réunir autour d'un dîner de famille et pas n'importe laquelle, une famille italienne. Pour débattre de tout cela, j'ai autour de moi ma petite bande de moustiques, prête à piquer à la moindre incohérence, à sucer le sang du moindre cliché. J'ai nommé Sarah, Marine, Armand, Camille et pour la première fois et en exclusivité, Marie. Bonjour Marie. Bonjour. C'est Fiona au micro et avant de démarrer, je vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que nous avons une règle ici à C'est quoi le pitch ? C'est que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot « truc » se voit automatiquement retirer la parole au son de cette cloche. Mais, en l'honneur du dépassement, du jour du dépassement pardon, qui implique, je vous le rappelle, qu'on va tous bientôt crever. Nous allons exceptionnellement déroger à cette règle et profiter du peu de temps qui nous reste à vivre en disant « truc » à foison. Car à l'instar des schtroumpfs qui schtroumpfent sans arrêt et pourtant se schtroumpfent parfaitement, la beauté du mot « truc », c'est qu'il appelle à la vivacité d'esprit de l'interlocuteur et à sa créativité. Sur ce, entrons donc dans le vif du truc avec « Mission Impossible Fallout » écrit par Christopher McQuarrie et c'est Camille qui nous le pitch. Donc « Mission Impossible » Fallout, c'est le 6e opus. Donc, on retrouve Ethan Hunt, qui doit accomplir donc une nouvelle mission impossible. Il doit intercepter une livraison de plutonium afin d'empêcher les Apôtres, qui est un groupe terroriste, de s'en emparer pour fabriquer des bombes et détruire le monde. Or, pendant la mission, Ethan se retrouve à devoir choisir entre sauver son collègue, Luther, et récupérer le plutonium. Il décide de sauver son ami et donc perd le plutonium. Le monde se retrouve donc en grave danger et Ethan doit essayer de rattraper la connerie qu'il a faite. Donc avec son équipe, ils vont tout faire pour arrêter les méchants et après moult scènes d'action, trahison et masque en latex, Ethan va réussir à tout faire sans rien compromettre ni rien perdre. Il va sauver le monde, sauver ses amis et tous les gens qu'il aime. Très bien. Armand, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé ça un petit peu long et j'ai trouvé que les intrigues étaient un peu trop complexes pour pas grand-chose. Moi, je vais voir Mission Impossible comme un gros gamin pour m'éclater. Et pour moi, l'intrigue doit être, l'exposition doit être cachée le plus possible. Alors là, elle était quand même un petit peu visible, un peu, on va dire, c'était un peu un mastodonte dans ta tronche au début. Tu peux peut-être expliquer, c'est-à-dire Pardon. Cacher l'exposition, c'est quand en fait Ethan Hunt au début reçoit l'objet de sa mission dans un enregistreur c'est et quelquefois on arrive dans une scène à créer du mouvement, quelque chose qui nous fait rire ou qui nous émeut autre que juste avoir des informations dans la gueule. Or là on a juste des informations pendant 3 minutes et à la fin on n'a pas vraiment compris et ça ne nous intéresse pas tant que ça. Voilà. C'est ça, et surtout et on t'explique comment on est arrivé à ces informations alors que tout le monde s'en fout complètement. Moi j'ai une question parce que c'est le seul Mission Impossible que j'ai vu, est-ce que les autres, c'est pareil. Est-ce qu'il n'y a aucun mouvement ? Il est devant sa petite cassette, là, et on a toutes les infos comme ça. D'habitude, c'est mieux fait. Est-ce que c'est mis en scène ? C'est un tout petit peu plus court d'habitude, et au moins, la mission, en fait, est morcelée en plusieurs étapes, ce qui fait que tu comprends au fur et à mesure... en gros, avant la scène d'action, tu comprends ce qu'ils sont censés faire. Alors que là, c'est vraiment... on te met un gros bloc dans la tronche, et c'est vrai que c'est assez pesant. Un petit peu comme Marine, moi, c'était le premier Mission Impossible que je voyais et du coup je croyais que ça faisait partie de la franchise d'avoir ce message avec toutes ces informations données d'un coup. C'est pour ça que je l'ai plutôt bien accepté, mais peut-être que je me trompe. C'est la franchise quand c'est un petit peu quand c'est pas très bien fait en fait. D'accord. Et c'est pareil pour les intrigues, ça ne sert que d'excuse pour en fait faire des super scènes d'action et c'est du jeu. Et en fait là les intrigues et les expositions prennent une place de dingue et on se retrouve des fois à regarder sa montre et à se dire ok c'est quand qu'il saute d'un building quoi. J'ai trouvé, voilà. Marine ? Fortune. Oui, alors moi j'ai été. C'est un film spectaculaire, voilà, mais je m'attendais quand même à avoir plus d'émotions. Et notamment au début du film, donc tu n'as pas parlé, Camille, du personnage de Walter. Je me permets d'expliquer un tout petit peu parce que donc Ethan Hunt se retrouve avec dans les pattes un agent dont il ne veut pas et avec qui il a des méthodes totalement opposées. Et donc ce Walker, qui est joué par Henry Cavill, on sent que ça va être un duo explosif et on attend un petit peu de ce duo qui nous emmène plus loin, parce que ça commence sur une animosité franche, ouverte entre les deux hommes, et on se dit ok, où ça va évoluer, comment est-ce qu'ils vont s'apprécier, est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont complémentaires, comment ça va évoluer, et la réponse est ça n'évolue jamais. Ça commence sur une animosité et ça finit sur une animosité, parce qu'on se rend compte au milieu du film, même peut-être dans le premier tiers, que Walker est en fait un méchant, c'est une taupe. Et donc voilà, il n'y a aucune surprise sur ce personnage. Et je trouve ça vraiment dommage, puisque dès le début, on se dit ces deux hommes vont tenir l'action. Alors évidemment, c'est avec Tom Cruise, mais je laisse la parole. Okay. Mais effectivement, je suis d'accord, mais en même temps, ça évolue, puisqu'on apprend que ce n'est pas son collègue, mais son ennemi. Mine de rien, non ? Mais ce que veut dire Marie, j'ai l'impression que c'est que Walker garde la même attitude par rapport à Tom Cruise tout le temps, et je trouve que c'est le grand problème du film, c'est-à-dire que les relations entre les personnages sont pas très bien développées. Là, il y a le problème avec Walker, mais il y a aussi le problème avec sa femme ou sa copine, enfin son ex, je me rappelle plus, mais je crois que Ilsa, en tout cas il est amoureux d'elle, c'est ce qu'on nous dit, mais alors on ne le voit jamais dans le film, leurs interactions sont très pauvre, en fait, ils se voient deux fois, et à chaque fois, c'est « tu devrais laisser tomber, non, je peux pas ». Parce qu'en fait, Ilsa est elle aussi chargée de récupérer le plutonium, on comprend pour le MI6, tout le monde veut le plutonium. La CIA avec Henry Cavill, mais qui est en fait un méchant, les méchants qui sont les apôtres, mais on comprend pas vraiment qui sont les apôtres, à part qu'ils veulent faire souffrir le monde, et Mission Impossible. Donc bref, les interactions avec Ilsa sont aussi pas très intéressantes, ni celle avec sa femme, ni celle avec la veuve noire, d'ailleurs, qui est un personnage vraiment raté, qui est censée être une nana, elle a un peu James Bond Girl, qui est un intermédiaire qui doit faire passer le plutonium à quelqu'un d'autre, mais qui en fait n'a rien à jouer. Et on a l'impression que tout le monde est éclipsé par la star Tom Cruise. Et c'est dommage parce que ça nuit beaucoup à l'histoire et aux émotions. Camille ? Oui. Je trouve que, effectivement, pour rajouter plus de critiques à Mission Impossible, malheureusement, au moins le film, pour moi, ce que Tom Cruise, ou plutôt Christopher McQuarrie, avait envie de raconter, c'était de poser la thématique qui était faut-il sauver ses amis ou des millions d'étrangers ? Qu'est-ce qu'il faut choisir quand on se retrouve devant un tel choix ? Et c'est intéressant parce qu'au début, j'allais dire Tom Cruise, mais non, Ethan. Ethan choisit de sauver son collègue Luther. Et on lui reproche. Parce qu'à cause de lui, si ça se trouve, il va avoir des millions de morts, en fait. Et il aurait dû sacrifier son coéquipier. Et pendant tout le film, on lui reproche pas trop, d'ailleurs. On lui reproche, et après, en fait, son patron lui reproche pas, mais les autres lui reprochent. Voilà, en fait, la scène est assez mal foutue, d'ailleurs, je trouve, parce qu'au moment où il retrouve son boss, Alec Baldwin, il lui voit qu'il est pas bien, et il lui dit non, mais t'inquiète, t'as fait le bon choix, et c'est pour ça que t'es mon agent, c'est pour ça que t'es un bon agent, et c'est pour ça que je t'effondrerai. Et puis, juste derrière, mais alors dans la seconde qui suit, il y a la nana de la CIA qui débarque et qui lui fait t'as fait exactement ce qu'il fallait pas faire, t'es le pire agent de la Terre, c'est pour ça que je te colle un Cavill dans les pattes. Et t'es là, waouh, le retournement, en 3 secondes, tu comprends qu'il soit complètement paumé, Tom Cruise. Et tout à fait, j'allais dire, le beau gosse, Walker, pardon, l'acteur. Enfin, excusez-moi pour son nom sexiste. Il est là, il est exactement le contraire de Ethan, c'est d'ailleurs que lui, il est prêt à tout sacrifier et à tuer tout le monde pour réussir la mission. Et ça aurait pu être intéressant à un moment donné que Ethan se retrouve dans une position où il décide de choisir de sauver des étrangers plutôt que sauver ses amis, mais en fait il se retrouve jamais dans cette position, il arrive toujours à sauver tout le monde, et donc la réponse c'est c'est un faux débat, c'est-à-dire qu'il peut faire les deux. Il y arrive toujours, très très bien. Il le fait toujours d'ailleurs. C'est toujours le problème de cette morale qu'ils essayent de nous mettre, de une vie est aussi importante que des millions de vies. j'ai envie de dire non. C'est pas, enfin, si vraiment t'as le choix, vaut mieux tuer une seule personne que des millions, je pense, à mon sens. Peut-être que j'ai tort, mais on avait un peu cette morale aussi dans Avengers, où après on a envoyé les Wakandais aller se faire buter pour sauver le mec robot, je sais plus comment il s'appelait, bref. Et là, c'est encore plus dérangeant, je trouve, parce que Luther n'est pas un civil ordinaire. C'est un mec du MI6. Il connaît les risques du métier, il est un peu là pour ça. Donc, il le dit d'ailleurs, il dit « sacrifie-moi, ça vaut pas le coup, je ne vaux pas le coup ». Et en plus, il rate son pari, Tom Cruise, parce que bien sûr, donc, plein de méchants se font buter, mais il y a deux autres victimes, finalement, par rapport au choix qu'a fait Tom Cruise. Alec Baldwin, qui meurt, et la Matmut. La Matmut qui quand même va devoir payer tous ses dommages. Ah oui, la Matmut est décédée complètement. La Matmut dans les rues de Paris. On n'y pense pas, mais quand même, vous avez vu tous les dégâts qu'ils font. Moi, je pense à tous ces gens qui ont des bagnoles. Juste pour sauver Luther, ça valait pas le coup. Qui a supplié qu'on le tue au début du film. Il arrête pas de dire pendant le film. Non, mais vraiment, les gars, c'est vraiment pour rien. Il était là pour ça, et du coup, bah voilà, merci pour toute cette paperasse que va se taper tout le monde. Bravo. Mais tout le problème du film, parce que tu dis que le film raconte, enfin veut raconter ce dilemme entre son ami et des millions de gens, c'est que le film ne veut pas raconter ça. Que le film veut raconter Tom Cruise qui saute d'un hélicoptère vers le vide. C'est ça. Alors justement, en fait, c'est l'objectif de ce film. Et c'est très bien réussi. Le problème, c'est que ça n'intéresse pas tout le monde de voir une suite de cette d'action avec une histoire très pauvre entre pour amener la prochaine scène d'action à chaque fois. Justement, je voudrais parler de cette scène d'hélicoptère parce que je ne comprends pas pourquoi dans tous ces films, il y a toujours donc un time lock, c'est-à-dire qu'on met un temps, un compte à rebours, et là, il est de 15 minutes. Et en 15 minutes, Tom Cruise a le temps de choper un hélicoptère qui décolle, prendre le contrôle de l'hélicoptère, aller se crasher dans l'autre hélicoptère contre Henry Cavill, ensuite se crasher, se battre contre Henry Cavill, alors pendant très longtemps parce qu'il tombe, enfin remonter d'une falaise, il remonte, tout ça, voilà. Et c'est censé être durer 15 minutes. Et c'est tout le temps ça, j'ai remarqué dans les films d'action. Mais pourquoi pas mettre un time lock plus long, quoi, on y croirait plus. Enfin, peut-être qu'on va voir. J'imagine que c'est pas possible, mais il fait que, en fait, moi j'ai lâché. Pourtant, j'ai bien aimé le film parce que j'ai bien accroché aux scènes d'action. Mais c'est vrai que le troisième acte, ben du coup, tu te dis, ah, 15 minutes quand même, c'est passé quoi. Armand, alors c'est à dire que si c'était une demi-heure, on se dirait, oh ça va, ils ont le temps. Là, ils font comme d'hab, c'est à dire qu'ils disent, oh, on va mettre 15 minutes, mais évidemment, on va attirer la scène. Sauf que là, ça dure 45 minutes. Au bout d'un moment, humainement, tu te rends compte que vraiment les 15 minutes sont passées depuis très très très longtemps. Là, pour une fois, le côté, oh, on s'en fout, ça passe. Non, ça passera pas. Ça passe pas là. Du coup, ça passe pas du tout. Mais justement, pour revenir aux scènes d'action, ma référence, moi, dans Mission Impossible, c'est le quatrième. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un ton qui est très cool, où ils te donnent l'impression que ce ne sont pas des surhommes, alors que c'est absolument des surhommes, parce qu'ils font des choses incroyables. Je vais dire truc exprès, du coup. Ils font des trucs incroyables. C'est autorisé aujourd'hui. Mais en fait, ils s'en prennent plein la tronche, leurs équipements ne fonctionnent pas, ça devient des gags, et en fait, ça en devient très très drôle, et en fait, ça fonctionne mieux comme ça. Or, plus ça se prend au sérieux, moi je trouve que ça se prend très au sérieux, malheureusement, dans le sixième, et donc on perd ce ton. Dommage. Mais on va s'arrêter là sur ce film. Je tiens quand même juste à dire que ce qui est problématique avec Mission Impossible, c'est que il rate une mission très très simple au début, quand même. Même s'il a choisi de sauver son pote, après il pouvait pas courser la voiture, c'est plus facile de courser un hélicoptère. Bref, je ne comprends pas ça. Notre tour final sur ce film, Marine. Bah, n'ayant pas vu les autres missions possibles, moi j'ai bien aimé, donc je le recommande. Je pensais vraiment m'ennuyer, puis j'ai pas vu le temps passer, donc c'est plutôt bon signe. Ah si, les 15 minutes. à part les 15 minutes de fin, qui là vraiment, oui, je les ai sentis passer. Ok, Sarah ? Moi, j'ai pas compris grand chose à l'histoire et j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Mais si vous aimez des scènes d'action spectaculaires, je pense que ça vous plaira. Armand ? Revoyez quand même le 3 et le 4, dont les scènes d'action sont extraordinairement bien scénarisées, où on se fie ouais, oh non, oh ouais, oh non, vachement plus. Marie, moi je trouve que le concept est tenu, la mission elle est impossible et Tom Cruise il réussit. et donc voilà, ouais, je trouve que voilà, si on cherche ça, et ben on a ça. Et je trouve aussi que les scènes d'action, sachant que Tom Cruise il fait quasiment toutes ses cascades lui-même, notamment tout ce qui est hélicoptère et avion et tout ce que vous voulez, voilà, ça vaut le coup d'œil. Camille, Les scènes d'action sont vraiment pas mal et il y a l'humour, donc Bah, y a un peu d'humour. Donc, trois blagues. Très bien. Bah, pour ma part, moi, je le recommande parce que j'étais plutôt agréablement surprise. Je trouve que c'est un vrai film d'action. Il y a des très belles scènes d'action, notamment de bagarre. Non, celle des toilettes est particulièrement bien réussie. Et je trouvais que l'histoire n'était pas aussi nulle que ça par rapport à ce que je m'attendais à voir. Donc, niveau film d'action, allez-y. On passe maintenant à My Lady, écrit par Ian McEwan, et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors, l'histoire se passe à Londres. Fiona May est juge à la haute cour, où elle traite toutes les semaines des cas compliqués, médiatisés. Et son mari, qui la voit jamais tellement elle bosse, décide de lui annoncer au début du film qu'il ne veut pas la quitter, mais qu'il aimerait bien avoir une liaison. Donc pour Fiona, c'est une trahison horrible. Et ça arrive au pire moment, puisqu'elle doit juger en urgence le cas d'Adam, 17 ans et demi, qui est témoin de Jéhovah, qui souffre d'un cancer et qui refuse de se faire transfuser. Car chez les témoins de Jéhovah, l'âme réside dans le sang, donc il préfère mourir plutôt que de se rendre impur. Fiona écoute donc à la fois l'hôpital et les parents qui soutiennent leur fils, mais décide, ce qui est complètement inédit, d'aller rendre visite à Adam à l'hôpital. Ensuite, elle finit par accepter que l'hôpital le transfuse de force. Sauf qu'à partir de ce moment-là, à partir de leur rencontre, Adam, qui est donc guéri et qui va mieux, commence à suivre la juge partout où elle va, à lui écrire des tonnes de lettres. Et Fiona se retrouve, à partir de ce moment-là, déchirée entre l'admiration et l'attirance peut-être qu'elle a pour le jeune homme, et son statut de juge de 60 ans, réputé et respecté de tous. Ok, Marine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors, moi je vais commencer par une critique, puisque je n'ai pas aimé ce film. Enfin, en fait, je vais surtout commencer par une question, et toi Sarah qui a bien aimé, peut-être que tu pourras m'expliquer. J'ai pas du tout compris les motivations des personnages. C'est-à-dire que pendant tout le film, on a quand même un personnage de la juge, Fiona. Désolée Fiona. Elle ne dit jamais ce qu'elle ressent. Il y a une scène emblématique de ça, c'est quand son mari lui dit écoute, on couche plus ensemble depuis un an, moi j'en ai marre, je veux pas te quitter mais je vais te tromper. Il veut communiquer, vraiment il y a plusieurs scènes où il revient à la charge en lui disant mais dis-moi, est-ce que tu veux plus de moi, est-ce que tu m'aimes plus, est-ce que tu veux, et jamais elle ne parle, elle garde le silence. Donc pour moi ça tient au début, mais à aucun moment en fait elle n'exprime, à aucun moment du film, même jusqu'à la fin, elle exprime ce qu'elle ressent. Donc je suis restée complètement en dehors de ce qui pouvait bien se passer dans sa tête. Et puis idem en fait pour tous les autres personnages, à part le mari qui est en fait le seul qui s'exprime, parce que on a la même chose avec donc le garçon, je sais plus son prénom, Adam, quand il voit la juge arriver dans sa chambre d'hôpital, au premier regard il est complètement subjugué par elle. À aucun moment j'ai compris pourquoi. Est-ce que vraiment le fait qu'une juge vienne... Bon, effectivement, ça a l'air... C'est Emma Thompson. Emma Thompson, elle rentre dans ma chambre, je suis subjuguée. J'étais un peu en dehors de ça, et donc j'ai pas compris. Et j'attendais en fait du film qu'on m'apporte les réponses en cours de route, et je les ai jamais eues. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que... Bon, c'est moi qui ai rien compris. Ou est-ce que le fait que ce soit adapté d'un livre, hein, parce que c'est le roman de Ian McEwan à la base, est-ce que le scénario en fait a raté à nous transmettre en fait, à manquer de nous transmettre les sentiments des personnages, parce que moi je suis restée en dehors en fait pendant tout le film, quoi. Avant de passer la parole à Sarah, je vais même rajouter une autre question par-dessus, c'est que pareil, je n'ai pas compris le parcours émotionnel de Fiona, mais je n'ai pas non plus compris le parcours émotionnel d'Adam, qui change d'avis sur cette transfusion, sur sa foi, c'est peu très sans râteau. Arrêt. Meurt d'amour. Je suis tout à fait perdue par rapport à ce personnage qu'on nous décrit comme étant très intelligent. Vas-y, Sarah. Alors, non, c'est une question complexe. Je trouve que justement, ce qui m'a le plus touchée, c'est le parcours émotionnel du personnage, et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux dans le film. Et comme tu dis, c'est lié au fait qu'elle n'exprime jamais ses émotions. C'est ça, et qu'à la fin, elle les exprime pour moi. En gros, c'est un personnage qui est un paradoxe, c'est-à-dire qu'elle est juge, donc son métier l'oblige sous serment à n'avoir ni empathie, ni antipathie envers les gens qu'elle voit tous les jours et dont elle traite des cas. Donc son grand paradoxe, c'est qu'elle traite de l'humain et des problèmes profondément humain tout le temps. C'est-à-dire là, le truc des témoins de Jéhovah, il y a aussi des jumeaux qui essayent de séparer à la naissance. À chaque fois, c'est des problèmes moraux vraiment qui nous touchent tous. Or, cette juge, elle est obsédée par son travail. Son seul loisir, c'est la musique, etc. Elle a des gros problèmes de communication avec son mari. Elle n'a pas l'air humaine, en fait. Son humanité est très, très enfouie. On a l'impression qu'elle n'a aucune faille. Et c'est ça, avec la rencontre avec Adam, pour moi, c'est la première faille. C'est une espèce de brèche dans sa personnalité. Et en fait, c'est là que son humanité qu'elle va commencer à s'ouvrir à quelqu'un et à s'autoriser à ressentir des sentiments, et qu'elle renferme d'habitude tout le temps, puisque elle a une espèce de morale comme ça, une idée d'elle-même extrêmement figée, et du coup elle comprend plus ce qui lui arrive, puisqu'elle se dit, d'ailleurs, elle demande à un moment à son clerc de notaire, qui est un personnage génial, je trouve, dans le film, est-ce qu'un jour, vous avez été sauvage et libre? Et il dit, oh mon Dieu, non, quelle horreur, moi, j'ai jamais été délurée, etc. Faire. Et on sent qu'elle a envie d'aller vers ça. La seule question qu'on pourrait poser, peut-être que quelqu'un aura la réponse, c'est pourquoi maintenant, pourquoi sur ce cas-là, elle va voir Adam en personne, alors que c'est pas lui qu'elle rencontre et donc qui la bouleverse, c'est elle qui va à lui, on peut se demander pourquoi. Camille ? Alors, j'allais répondre à une autre question, mais... Réponds à la question que tu veux. Pour répondre, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec Sarah, elle met énormément les gens à distance, en fait. Et forcément, ce que son mari lui reproche, ça la chamboule, et du coup, elle essaye, en fait, voir Adam, c'est aussi essayer d'arrêter de mettre à distance tous les gens et, par rapport à son métier qui l'oblige à mettre à distance tout. Donc, pour moi, c'est la réponse. Après, pour Adam, c'est quelqu'un d'extrêmement religieux, qui est vraiment persuadé d'avoir raison. Et quand elle prend la décision de le faire vivre et de l'obliger à vivre, ça chamboule complètement sa foi. Et il a besoin d'un nouveau dieu qu'il cherche en Fiona. Oui, Fiona la juive. Il a raison. Et elle refuse, elle le met à distance, elle dit, non, je ne peux pas t'aider à retrouver, parce qu'il a besoin, en fait. Quand des gens sont aussi religieux, c'est quoi ? Il faut qu'ils trouvent une nouvelle raison de vivre, en fait. Oui. Prenez l'exemple sur Adam et... Il pensait que ça allait être elle, mais c'est pas le cas. En Fiona. Armand, je suis d'accord par rapport à Adam. Moi, j'ai complètement compris ce qui m'a gêné moi dans le personnage principal, c'est qu'en fait on voit pas d'avant après. C'est-à-dire que pour moi, Adam n'est pas un incident déclencheur qui fait que elle va essayer d'arrêter de mettre les gens à distance, parce qu'elle a déjà décidé de s'en rapprocher avant même de l'avoir vu. Donc en fait, c'est ça que j'ai pas saisi en fait de différence entre Fiona avant et Fiona une fois que Adam rentre dans sa vie. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle essayait jusqu'au bout de maintenir à distance. Elle s'interdisait d'y aller. Elle s'autorise un petit peu à la fin et encore. En fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'il n'y a pas eu de débat. J'ai eu l'impression d'un instant, d'une chronique d'un instant de sa vie. Malgré mes sentiments pour Emma Thompson, une chronique, ça m'attire moins. Mais là, j'ai eu l'impression, voilà, de voir passer en fait un moment de sa vie et de pas avoir de réelle transformation, de réel bouleversement dans sa vie à ce moment-là. Ok, Marie. Bien, justement, je trouve que le sujet du film, pour moi, il est trop superficiel. Pour moi, c'est la responsabilité. Parce que comme elle est juge, elle se réfère au Children Act. Et donc, son point de vue, elle le dit, c'est de choisir l'intérêt de l'enfant avant tout. Et elle le verbalise, elle dit qu'elle veut sauver Adam de ses parents, de sa religion et de lui-même. Et donc... je trouve ça, elle a des très bonnes motivations pour le faire, sauf que ce qui aurait été intéressant pour ce personnage d'Adam, c'est qu'il se retrouve, une fois qu'elle l'a sauvé contre lui-même, rejeté de ses parents parce qu'il a été transfusé, donc rejeté de sa religion, rejeté de tout, il a tout perdu, il pourrait tout perdre à cause de elle, sa décision à elle. Et finalement, c'est pas vraiment ça que ça nous raconte. Et je trouve que c'est dommage parce que là, en tant que juge pour enfant, elle a une responsabilité et justement, quand elle décide d'aller voir cet enfant, alors qu'elle ne devrait pas le faire, elle rentre en contact et donc elle doit assumer après la suite de ses actes. Et finalement, on ne nous raconte pas tellement ça. Ok, Marine ? Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que le sujet n'est pas tenu, notamment sur la dernière partie du film. Et alors moi, je me suis posé une question sur le point de vue. Après, c'est peut-être une question de goût personnel. Mais alors, l'histoire avec son mari, ça ne m'intéressait pas du tout. Par contre, j'étais extrêmement intéressée par ce qui se passait avec le gamin. Le rapport à sa religion, le rapport au sang, parce que donc, les témoins de Jéhovah expliquent que le sang chez eux, c'est sacré et que c'est pour ça qu'il ne peut pas être transfusé. Et que effectivement toutes les conséquences du choix de cette juge qui reste extrêmement rationnelle, qui suit la loi, les conséquences émotionnelles et dramatiques que ça a sur ce garçon qui est excommunié, enfin qui pourrait être excommunié, qui pourrait être ses parents se retourneraient contre lui, et effectivement à un moment on se dit, mais est-ce que c'est pas plus intéressant est-ce que le film aurait pu être plus intéressant en étant traité du point de vue de Adam et pas de la juge qui, pour moi, pas le conflit le plus fort au final. C'est curieux parce film. Que justement, moi, c'est tout l'inverse en fait. Je préférais. J'aimais bien voir la dualité entre sa vie privée et sa vie personnelle. Et j'aurais préféré pousser ça. Et sur ce cas-là, en fait, ce cas des témoins de Jéhovah ne m'intéressait pas. Parce que il est, à mes yeux et aux yeux de la loi, extrêmement simple à régler. et a décidé, d'ailleurs, il le lui dit, d'ailleurs, Adam, il suffit d'un coup de tampon, il n'est pas majeur, c'est le cas le plus facile à régler. Je te parle du conflit du point de vue du gamin. Du conflit interne et externe aussi, de ce que ça provoque dans sa vie à lui. Je veux dire, il a 17 ans, c'est dramatique de te dire la loi de ton pays a décidé pour toi de ce que devait être ta vie. Et d'ailleurs, il lui dit à la fin, moi j'avais prévu un grand final de ma mort, j'ai été bien con, je pensais que j'allais en gros mourir en sacrifice, quoi, un peu en martyr. Et en gros, elle lui a enlevé ça. En soi, quelle est raison ou pas, certainement. Je suis d'accord, mais ce sera un film qui s'appellerait du coup plus My Lady, mais Adam. Ah oui, non, c'est carrément Adam de Jéhovah. C'est clair, c'est carrément autre chose. Mais bref. Ouais, mais sur le sujet de la juge, je trouve que les affaires, l'affaire qu'on évoque un tout petit peu au début des jumeaux séparés me paraissait 10 fois plus intéressante et j'aurais préféré voir ce genre d'affaires-là. C'est juste qu'on n'a pas du tout abordé la fin du film, la dernière partie, qui, je pense, peut-être apporte un éclairage sur Adam, sa relation. Enfin, je trouve que quand même, cette histoire... moi, je pensais que le film allait se terminer avec la résolution du cas. J'étais très surprise que le film continue et que ça parte sur quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, qui m'a beaucoup surpris, et une relation qui, comme vous avez dit, est très, très intéressante, parce qu'en fait, c'est ni une relation totalement d'amour, ni une relation de mentor à élève, ni une relation de filiation. C'est un peu tout ça. Il faut se rappeler que ce personnage n'a pas eu d'enfant, que ça peut être une des raisons de sa faille à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a une... En fait, ça réveille une passion chez elle et une passion chez le gamin qui est beaucoup trop forte et qui va finir par sa mort, puisque finalement, le cancer revient et là, il décidera de ne pas se faire transfuser. Et ça se termine comme ça et elle regrette infiniment. Elle se dit, bah là, j'ai fait une erreur. En gros, je suis allée trop loin. Comme tu dis, c'est... En gros, j'ai trop suivi ma morale et peut-être que j'aurais dû me lâcher et accepter l'entrée de ce gamin dans ma vie. Ça, c'est ce que tu extrapoles, mais c'est pas ce qu'elle dit. Le problème, c'est qu'elle ne l'exprime pas. Et il aurait simplement fallu... En fait, il n'y a pas une vraie conclusion à ce film parce qu'elle ne le dit pas, parce qu'on a vu une légère on peut le conclure, on comprend, mais c'est pas clair parce que ce n'est pas dit. Ok, on va s'arrêter là sur ce film. Dans un dernier point rajouté au point positif, parce que ça fait partie aussi du scénario, c'est que ça reste extrêmement bien dialogué avec beaucoup de sous-textes et il y a des scènes quand même assez magnifiques où les silences sont assourdissants. Et la scène où le mari annonce qu'il veut avoir une affaire et assez savoureuse. Tour final, Marine. Non, je recommande pas le film. Alors pour moi, trop de sous-texte. Tu le sous-texte, j'ai pas compris grand-chose à ce film. Voilà. Sarah. Alors moi, je suis d'accord sur le fait que c'était une chronique, c'est vraiment une tranche de vie, mais j'ai trouvé ça très émouvant. C'est un petit bijou remarquablement interprété. J'ai pleuré et je vous le conseille. Armand. À voir malgré les problèmes de structure pour toutes ces scènes extrêmement bien dialoguées. Marie. Moi j'ai le sentiment d'un rendez-vous manqué avec ce film que j'aurais aimé aimer. mais en tout cas je le recommande pour son actrice principale qui est absolument merveilleuse. Voilà. Tu as tout à fait raison. Et Camille. Je le recommande malgré tous les défauts qui ont été évoqués. Eh bien, un peu pareil, surtout que Marie. Alors, j'aurais adoré ce film parce que Emma Thompson est une de mes actrices préférées. Elle s'appelle Fiona dans le film et elle est juge pour enfants qui était la carrière à laquelle je me destinais si j'avais pas été scénariste. Petite anecdote. Donc, forcément, j'étais très intéressée par ce film et j'ai été déçue, mais il reste très élégant. Voilà. On termine avec une famille italienne où A casa tutti bene. Eh oui, je suis polyglotte. Écrit par Gabriel Muccino et Paolo Costella. C'est Marine qui nous le pitch. Oui, donc, comme le titre du film l'indique de manière très originale, eh bien, c'est l'histoire d'une famille italienne dont tous les membres donc, sont conviés pour célébrer les noces d'or des grands-parents. On va dire que c'est les grands-parents, c'est les plus, pas les plus âgés, mais bon, c'est au moins ce qui les réfère parmi tous les membres de la famille. Et donc, la famille doit se retrouver sur une île qui est au large des côtes italiennes, parce que c'est là où habitent ces fameux grands-parents. Et pour aller sur l'île, il faut prendre le ferry. Et donc, la fête doit durer en fait une journée, et ils ont tous prévu de faire l'aller-retour dans la journée. Mais le soir, en fait, éclate une tempête qui va tous les bloquer sur l'île pour 2 jours et vont tous se retrouver coincés ensemble sur cette petite île. Et donc, des drames vont éclater, des drames qui couvaient depuis très longtemps, des drames familiaux, des amours vont naître et puis d'autres vont se terminer. Voilà, je ne vais pas donner la fin du film. Mais... Merci Marine. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je n'ai rien contre l'Italie. Mais clairement, cette année, l'Italie a quelque chose contre moi. Parce que, après Call Me By Your Name, Sicilian Ghost Story et maintenant Une famille italienne, l'Italie m'en veut. Avec son cinéma, en tout cas. Parce que ce film n'est pas, je dirais pas qu'il est déplaisant à regarder, il est pas déplaisant. Si. Pour certains, il peut l'être. Mais il est. J'ai souffert. Mais il est inutile. C'était pas une famille italienne, c'est une famille, point. Une famille, quand on l'enferme ensemble, surtout avec autant de membres, pendant deux jours, ça explose. Ce n'est pas, c'est pas un nouveau. Et là, on a, pour moi, c'est classique au possible. On nous met, on montre une famille avec. On nous place des mines antipersonnelles sur chaque membre de la famille, de manière assez grossière. Et en plus, des mines pas très originales, parce qu'on a. Celui qui a des problèmes d'argent, celui qui trompe sa femme, la femme hystéro-jalouse. C'est pas des situations originales. Et on se dit, bon, bah, ça va péter, très bien. Et là, on attend que ça pète avec grandeur, avec saveur aussi, et de manière originale. Sauf que ça fait l'effet d'un pétard mouillé quand ça explose, quoi. Oui, alors justement, on est les seuls à l'avoir vu. Oui, je suis complètement d'accord avec le fait que les conflits sont pas assez forts. Pour moi, ça c'est un des premiers problèmes du film. C'est exactement ce que tu as dit, et c'est pour ça que ça n'explose pas, ou en tout cas de manière cliché. Mais l'ensemble du film, pour moi, est extrêmement cliché. Tous les personnages sont très attendus, et donc voilà. C'est pour moi le premier problème, c'est ça, des conflits qui sont pas assez originales. Les backstories des personnages. Leur propre histoire et l'histoire qu'ils entretiennent avec les membres de leur famille n'est pas assez travaillée. Il n'y a pas assez de choses en fait en amont. Tu peux dire truc. Hein. De trucs en amont. Guillaume n'est pas là, j'en profite. Truc. En amont, pour que ça pète de manière satisfaisante à la Festen, par exemple. Moi, forcément, j'ai pensé à la Festen, même si ce n'est pas du tout le même genre. Mais c'est pareil, une famille voilà, qui se retrouve coincée dans un endroit et tout doit péter. Par contre, pour moi, le vrai souci aussi, et c'est pour un vrai cas d'école, c'est un film qui a oublié de donner des objectifs à ses personnages. C'est-à-dire que le seul personnage qui a un objectif, c'est le mouton noir de la famille. Donc c'est l'oncle, en fait, qui est un peu l'oncle embarrassant, celui qui fait des blagues de cul devant les enfants quand ils sont à table. Et puis, bon, en fait, c'est le seul prolo. Les autres sont quand même assez riches. Et lui, il n'a pas d'argent, il n'a pas de boulot, sa femme est enceinte. Oui. Et il est là, en fait, aussi pour demander du boulot. Il demande même pas de l'argent, il demande du boulot. Et donc, c'est le seul qui a un objectif. Les autres, ils ont des désirs. Enfin, c'est plus lié à leurs sentiments, mais en gros, ils naviguent un peu là-dedans. On ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas qui ils sont autres que leur stéréotype. Et c'est là où moi j'ai lâché aussi, c'est que ce pauvre homme qui veut du travail, en fait c'est le plus sympa. Enfin, c'est le plus sympa, c'est vrai, c'est celui qui met plus de gaieté dans la famille, aussi, qui rassemble tout le monde. Ouais. Voilà, il fait de la musique sur le piano, c'est très laborieux aussi, je ne sais pas ce que tu as pensé, pour identifier pendant toute la première partie du film qui est qui par rapport à qui. Déjà c'est difficile dans ses propres familles, là il y a beaucoup de personnages, il y a même des amis de la famille, au bout d'un moment. J'étais très concentrée pendant la première demi-heure, vraiment en me disant, ok, alors attends, lui c'est qui. Un peu, du coup, c'est pas vraiment ce qu'on attend au cinéma de devoir vraiment retenir tout ça, quoi. Mais surtout, l'exposition est très très longue, donc tout le temps qu'ils mettent pour arriver sur l'île, pour te poser les pseudo-conflits qu'il y a entre les personnages et soi-disant les pseudo-secrets qui vont péter, c'est très long. Non, mais surtout, ils te les posent de manière très grossière, quoi. C'est, pour donner un exemple précis, c'est justement l'oncle prolo qui va voir son beau-frère, ou je sais même plus qui est son beau-cousin, je ne sais plus, le mari de sa cousine, qui lui dit « Ah, je t'ai vu avec ta minette !» Ok, il fait non, mais tais-toi, non, mais t'inquiète, je dirai rien à ma cousine. C'est bon, on a compris, il trompe sa femme, ça va exploser, elle va le savoir. Voilà, enfin, tout est dit comme ça, dans une scène, de manière un peu grossière. Et je suis d'autant plus triste parce que non seulement ce genre de films familiaux comme ça qui explosent, c'est les films que j'aime bien voir, et en plus, c'est les films que j'aime bien écrire. Et je trouve ça décevant, là, de voir ça, parce que pour qu'un film comme ça marche bien, je trouve que ça tient énormément au dialogue. Il faut que les dialogues soient extrêmement savoureux et bien pensés. Et là, c'est très plat. Oui, et il y a autre chose. C'est ce que dit le film, ou en tout cas le traitement de l'histoire. Tous les personnages sont horribles. Enfin, moi, vraiment, j'ai eu envie de suivre personne. Ils ne s'aiment pas, ils se trompent. Il n'y a pas de tendresse, je trouve, entre eux. Ou un peu entre la mère et trois enfants. Il y a une fille. Et puis surtout, l'image de la femme, même des hommes, hein, au secours des relations hommes-femmes, c'est à gerber. Voilà. Enfin, je veux dire, elles sont toutes hystéro, nymphomane, les hommes ne pensent qu'à les tromper et pareil aussi nymphomane. Enfin, c'est ils se hurlent dessus pendant les limites 90 minutes de film. Enfin, c'est tellement tu te dis mais j'ai pas envie de suivre ces personnages. Celui que j'aurais sauvé, hein, c'est le mari qui a sa fille et son ex-femme avec la et qui a sa femme hystéro. Il essaye de tuer sa femme hystérique. D'ailleurs, oui, c'est non, la seule scène où je me suis dit vas-y s'il te plaît. Oui, parce qu'elle était vraiment hystéro. Et par-dessus. Voilà. Non, non, mais il essaye d'être un meilleur père pour sa fille et il trompe pas sa femme hystéro. Donc lui, elle lui dit ah ben en fait je vois quelqu'un puis super bon d'ailleurs ce qui ne marche pas du tout parce que pendant tout le film elle lui pique une crise mais démesurée en lui disant tu m'aimes pas, t'aimes ton ex-femme et à la fin elle lui dit en fait je vois quelqu'un depuis longtemps j'avais pas le courage de te le dire mais parce qu'elle pense qu'il ne l'est pas. Marie, tu voulais dire quelque chose? Oui, bah ce film a quand même eu du succès et je voulais savoir si vous aviez un début d'explication sur pourquoi il a marché. Je me demande est-ce que peut-être certains des acteurs italiens sont peut-être connus que nous on ne connaît pas. C'est possible. Pour lui donner quand même des points positifs, j'ai des beaux décors. Oui, c'est joli. Il fait beau, ça c'est vrai, c'est chouette. Ah non, il y a une tempête. Ah non, après la mer est agitée, mais il fait beau. Mais bon, bref. Je pense que la morale du film, c'est quand même à la fin. J'ai l'impression que tous les personnages décident d'être heureux, de prendre leur bonheur en main, entre guillemets, dans le sens où, parfois avec des décisions difficiles, mais par exemple la femme hystéro qui lui dit « faut qu'on arrête, on sera jamais heureux ensemble », elle fait enfin quelque chose, un truc, pour son accomplissement personnel. L'oncle qui a besoin de thunes, il dit « ok, je vais arrêter de supplier auprès de ma famille ». On va se retrouver les manches, on va trouver une solution tout seul, comme des grands. Il y a un petit peu de ça, non? J'essaye. Hein. Oui, non, mais j'essaye. Oui. Et j'ai bien aimé aussi la scène avec, quand même, il y a une femme qui trompe son mari et sa fille d'une dizaine d'années la voit. Et elle se met à partir en crise de larmes, etc., en voyant sa mère embrasser un autre homme. Et je trouvais que c'était une scène pas mal, parce que c'est un angle qu'on ne voit pas souvent, de voir l'adultère, mais vu par l'enfant qui a vraiment ça en face de lui et qui ne sait pas trop comment réagir à ça. Si je devais sauver une seule chose de ce film, c'est les enfants. Les personnages des enfants sont déjà bien joués. C'est les seuls qui ne sont pas hystériques. Ils regardent tous leurs parents, l'air de se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a une de la plus grande qui est là avec son copain. C'est la seule qui exprime le fait que « bon, en fait, cette famille à 18 ans, elle va se barrer parce qu'ils sont tous tarés. » Et c'est la seule qui gagne quelque chose de cette histoire, hein, parce qu'elle finit par se mettre en couple avec son l'ami qu'elle a mis sur l'île, et puis elle repart et elle a tout gagné. Et ouais, c'est la seule qui paraît saine, et voilà. Puis du point de vue des enfants, en tout cas, c'est vrai que c'est assez bien vu. C'est vrai que cette scène avec la gamine qui voit l'adultère de sa mère, c'est assez original, mais alors pour moi, c'est vraiment le seul. Alors que sa mère a l'air d'une bécasse tout le film, elle fait elle regarde un mec avec des yeux. Et la scène où il se court après, en plus, ils sont cousins, quoi. Ouais, c'est donc vrai. Donc, du coup, Marine, tu recommandes ce film, j'imagine. C'est à fond. Oui, si vous aimez les gros films clichés sur l'Italie, je pense que c'est à voir. Il y a d'autres films sur la famille beaucoup plus intéressants. J'ai en tête, c'est pas exactement pareil, mais Mensonge. Mince, comment ça fait ? Merde, j'ai plus le titre. Ah, c'est con, je voulais trop. Mensonge et trahison. Je crois que c'est Mensonge et trahison. Non, c'est pas ça, me dit Armand. C'est pas Secret et mensonge. Secret et mensonge, merci. Secret et mensonge, qui est vraiment. Merci Armand, heureusement que tu es là. Maintenant, nous allons passer au courrier ou fuyer de la semaine, donc les recommandations ou des recommandations. Marine, on repart par toi. Alors, moi, je vais recommander un podcast du New York Times qui s'appelle Caliphate. Et c'est. On suit en fait une reporter du New York Times qui est spécialisée sur l'État islamique. Et donc, tout son reportage sur. La chute de Mossoul et particulièrement et de l'État islamique et comment elle a réussi donc à interviewer des anciens membres de Daesh et surtout à retrouver en fait tous les papiers administratifs qui prouvent que c'était à quel point ils ont essayé vraiment de mettre en place un véritable gouvernement. Enfin, c'est un podcast très très fort, notamment la partie où elle interroge les familles yézidis. Cette partie-là, elle est vraiment terrifiante. Une bonne partie de rigolade en perspective. Voilà. Si vous voulez passer un bon été, pas flippant du tout. Sarah ? Pareil pour le film Feel Good de la semaine. Il repasse Voyage au bout de l'enfer au Grand Action. Voilà, The Deer Hunter, donc le chef-d'œuvre de Cimino, que personnellement je n'avais jamais vu, et donc j'étais assez éblouie, surtout quand on voit après Mission Impossible, ça fait un choc. Parce que les personnages sont merveilleux, l'histoire est exceptionnelle, même si c'est très dur, et que si vous n'aimez pas la roulette russe, je pense que ça peut piquer un peu. Mais en gros, c'est l'histoire de trois amis qui sont dans une petite ville, qui travaillent dans une acierie en Pennsylvanie. Et c'est Christopher Walken, De Niro, et j'ai oublié le nom du troisième acteur, qui du jour au lendemain se retrouve au Vietnam. Et évidemment, tout dégénère, mais c'est vraiment un très beau film. Il y a Meryl Streep aussi dedans, qui est exceptionnel. Ah. Je le recommande. C'est au Grand Action jusqu'à mercredi. Super. Armand ? Alors, c'est pas tout neuf, mais c'est une série qui était sur HBO, qui doit toujours l'être d'ailleurs, et qui du coup peut se voir en France sur OCS, entre autres. C'est Silicon Valley, en fait. C'est une série de comédie qui raconte la création d'une société de logiciels à Silicon Valley. Et c'est drôle, c'est un peu loufoque. Et les personnages sont assez haut en couleur, mais c'est très marrant. Très bien, pour se remettre des recommandations de Marine et Sarah. Marie ? Alors, j'ai une recommandation feel good aussi. C'est un livre écrit par Anna Hope, un roman qui s'appelle La salle de bal, édité chez Gallimard et qui vient de sortir en grand format. Et donc, ça se passe en 1911 en Grande-Bretagne, dans un hôpital psychiatrique. Voilà, donc c'est la belle époque où, quand ta fille ne voulait pas épouser celui que tu avais choisi, il suffisait de dire qu'elle était hystérique et elle était internée pour le reste de ces jours, c'était extrêmement pratique. Voilà, et donc c'est l'histoire de Ella qui un jour, voilà, elle travaille dans une filature, je crois, et un jour elle a un mouvement de folie, voilà, parce que sa vie est misérable. Elle a fait une erreur et elle se retrouve internée contre son gré et elle se retrouve dans cet hôpital qui bon, est très dur évidemment, mais malgré cette thématique, c'est un très beau livre, très tendre et plein d'espoir. Très bien, merci Marie. Camille. Moi, je vais recommander une comédie. Vraiment, alors là, c'est vraiment un film de midinette. Ça s'appelle I Feel Pretty. C'est écrit par Abby Cohn et Mark Silverstein. Et c'est avec Amy Schumer. C'est sur Netflix. Et donc, ça parle du personnage de Amy Schumer qui s'appelle René, qui est un peu grassouillette et qui n'a pas du tout confiance en elle et qui aimerait être belle comme une mannequin. À un moment donné, elle se cogne la tête et quand elle se réveille, elle est persuadée d'être une mannequin, sauf que tout le monde la voit comme elle était avant. Et c'est comment le regard des autres change sur elle et comment elle prend confiance en elle. Et oui, nous sommes tous belles, toutes belles au fond. au fond, en vrai, bref. Moi, si vous avez la chance d'être à Londres ou à New York, je vous recommande The Cursed Child ou L'Enfant Maudit en français. La pièce censée être la suite de la saga Harry Potter. L'histoire est complètement nulle, mais si vous l'avez lue, vous le savez déjà. En revanche, la scénographie est vraiment très cool. On en prend plein les yeux et on ne s'ennuie pas pendant les 5 heures au total que dure la pièce, qui est coupée en deux parties. Par ailleurs, toujours à New York, et pour les vrais fans de Harry Potter seulement, car c'est bourré de références, je vous recommande la pièce parodique Puffs, qui réécrit l'histoire des 7 années à Poudlard de Harry, mais du point de vue des Poufsouffles, et c'est vraiment très sympa. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, à liker notre page Facebook C'est quoi le pitch, et à commenter pour nous dire à quel point vous êtes d'accord ou pas avec nos analyses. C'est ce qu'a fait Samuel sur notre dernier épisode, qui nous dit sur Dogman qu'à son sens, l'attitude de Marcelo et la raison pour laquelle il traîne avec Simone révèle plus d'un besoin de virilité que d'un besoin d'être aimé. Donc merci Samuel de nous avoir partagé ton point de vue. Non, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vu le film, donc je ne peux pas commenter. On a aussi Denis qui lui nous parle de Ant-Man et la Guêpe en nous disant qu'on aurait pu le résumer par ta gueule, c'est quantique. Merci Denis pour ce commentaire tout à fait exact, je pense, pour le coup. Peut-être inspiré de Durandal qui résume insaisissable par ta gueule, c'est magique. Mais quoi qu'il en soit, faites comme Denis et Samuel, donnez-nous votre avis et nous les lirons au prochain podcast. On se retrouve en septembre pour la nouvelle saison de C'est quoi le pitch. D'ici là, bonnes vacances et n'oubliez pas de faire tout plein de trucs.